Participez en grand nombre au Saint-Prime Open qui se déroulera cette année du 19 au 20 juillet au club de golf de Saint-Prime. Ayez la chance de jouer la mafia d'ouverture du 19 juillet ou le Saint-Prime Open Formule Vegas à 4 joueurs. Pour plus de détails, visitez la page Facebook du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean ou contactez Roger Caron au 251-2831 poste 27. Quand on veut se payer une bonne bouffe, le restaurant Midas est la solution. Les hot dogs, la pizza qui font le délice de tous. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des camionneurs, menu à la carte qui comble tous les budgets. Le restaurant Midas au 1084 route 169 à Saint-Félicien, au numéro de téléphone 88-679-0900. Toute notre équipe souhaite la meilleure des chances aux organisateurs et aux équipes qui participent au championnat québécois de vélo de montagne en fin de semaine à Saint-Christian. Pendant la belle saison, il survient parfois des avaries, comme l'infiltration d'eau. Pour tous travaux de construction ou rénovation après sinistre, faites confiance à ProNet, communément appelé GUS, de vrais spécialistes dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence 24 heures sur 24, nettoyeurs d'air et de conduite de ventilation. Pour rejoindre les pros de ProNet, 418-679-4178. Monsieur Régent Côté souhaite la meilleure des chances aux équipes qui participent au championnat québécois de vélo de montagne ainsi qu'à la Coupe du Québec de vélo de montagne. Ça fait à peu près deux semaines que LeBron James est arrivé à Los Angeles. Évidemment, ça a créé un buzz. LeBron, c'est la grande vedette du basketball aux États-Unis. Et question de savoir un peu comment ça se passe à LA. On a entendu parler pas mal. C'est notre ami Tom Lapointe. Salut Tom. Salut Danny. Tom, effectivement, LeBron est d'abord c'est probablement la plus grande vedette avec le joueur de soccer actuellement, Zlatan Ibrahimovic. Donc LeBron, écoute, ça a dû créer un buzz à Los Angeles parce que les Lakers, c'est comme les Yankees. Ouais, ça a créé un buzz, surtout qu'il y a quand même un gros chaînon manquant là, depuis le départ de Kobe Bryant, qui est une grande star ici, qui vraiment véhiculait la culture des Lakers gagnants. Parce que les Lakers là, ont quand même pas, c'est pas terrible là, comme les Canadiens, là, c'est moins tragique que ça. C'est quand même depuis 2010 qu'ils ont rien gagné. Je parle en termes de la NBA, ils n'ont pas gagné depuis ce temps-là. Et ils ont vraiment des années excessivement difficiles. Donc, la retraite de Kobe Bryant, il y a déjà plus de 2 ans, et le fait que l'équipe s'en va nulle part depuis un certain temps, encore cette année, ils ont raté les séries, ils ont fini derrière les Clippers, ils ont fini 11e dans la conférence de l'Ouest, ils ont fini 22e sur toute la NBA. Puis, les Lakers, c'est toujours la grosse affaire ici à Los Angeles, en ce sens que c'est eux qui ont encore la pole, mais vu que les Rams sont maintenant revenus dans la NFL, vu que le stade qui est en train de se construire à côté de l'ancienne piste de course à Inglewood, là, qui va être ça va être fini en 2020, ça va être le plus grand stade de l'histoire, c'est celui qui est le plus cher, c'est le plus moderne. Donc il faut qu'ils s'ajustent parce que bon, eux ils jouent au Staples Center, ils partagent la location du Staples Center avec les Clippers qui jouent dans la même ligue. Eux, évidemment, les Kings sont là. Les Kings ont quand même réussi à se faire connaître en 2012 et 2014. Donc finalement, l'équipe qui a gagné une dernière Coupe Stanley ou un dernier championnat d'importance, ça les gens oublient, ce sont les Kings. Ouais. Les Kings ont été titrés 2 fois. La NBA sont pas arrivés. Les Dodgers se débrouillent excessivement bien sur le plan de l'assistance. Ils ont eu une victoire l'année passée de gagner la Série mondiale, mais ils n'ont toujours pas gagné depuis 1988. Mais ici, à la radio, dans les médias, ça a toujours été des Lakers. Mais vu que Kobe Bryant est parti, que c'était la grande star, vu que Phil Jackson n'est plus là, on a remué beaucoup de choses. Donc, la culture des gagnants des Lakers qu'il y avait avant par Magic Johnson, par Shaquille O'Neal, après ça, Kobe Bryant, ouais, tous les, ils ont tellement eu des grands noms, là, maintenant, ils en ont plus. Mais, LeBron James, c'est avant tout à l'exception de, j'ai oublié les Bulls, de Michael Jordan. Jordan. Ouais. Et Jordan a eu beaucoup plus de sentiments d'appartenance que Donc, LeBron James, lui, a fini sa job. C'est-à-dire, il avait commencé avec les Cavaliers, il n'avait pas gagné au début. Il allait jouer avec les Miami Heat, a gagné. Il est revenu à Cleveland, a fait sa job, a donné finalement une première grande conquête là, de la NBA il y a 2 ans. Donc, il a fait sa job. Puis, étant donné que LeBron James est un homme d'affaires colossal, il n'est pas venu seulement ici pour jouer au basketball, je peux te dire ça. Ouais, c'est que c'est un gars qui ont dit qu'il a déjà un talent d'acteur plutôt assez phénoménal. Ce sont rares les joueurs de sportifs qui ont le sens de la caméra. Il a joué dans un ou deux films récemment et apparemment qui perce l'écran, pas juste parce qu'il s'appelle LeBron James, parce que t'as beau être un grand sportif, quand tu as le temps de faire de la télé ou du cinéma, tu l'as ou tu l'as pas. Et ce gars-là a investi déjà dans avec plusieurs grandes firmes, autant de cinéma que de télévision. Peut-être les gens ne savent pas au Québec, notamment Le Mur, là, qui est à TVA, qui s'appelle The Wall, aux États-Unis, qui a été créé. Bon, LeBron James est derrière The Wall, il est investi là-dedans. Donc, c'est un gars qui maintenant, il va avoir 34 ans, LeBron James, en décembre. Donc, il arrive à Hollywood en se disant, je veux finir ma carrière ici. Et après, le tout Hollywood s'ouvre à lui. Donc, c'est un gars excessivement... Oui, Tom. Oui. Est-ce que, Tom, parce que t'as vécu Canadien-Nordique, toi, à l'époque, est-ce que les Clippers, quand même, depuis quelques années, ont une meilleure fiche que les Lakers? Est-ce que tu penses qu'il y a eu un petit peu de la pression de la part des propriétaires pour que Magic Johnson remette les Lakers sur la bonne voie? C'est un des points que tu veux, non. Ouais. Les Clippers n'ont pas et n'auront jamais. Je pense que c'est une mauvaise comparaison. Okay. Parce que, je veux dire, d'abord, tu ne peux pas comparer le bassin de gens qui habitent au Québec avec le bassin. Juste pour te donner un exemple, en Californie, il y a plus de monde en Californie que dans tout le Canada. Donc, il y a pas loin de 40 millions de population seulement en Californie, qui est l'État le plus peuplé aux États-Unis. Donc, je trouve que c'est une mauvaise comparaison parce que quand même, les Nordiques avaient quand même réussi à diviser la tarte de la magie en sens... Bon, ils n'avaient pas réussi à avoir... Parce que le Canadien, malgré qu'il ne gagne plus depuis 24 ans, reste que c'est une équipe qui a fait partie de l'histoire du hockey à ses tout débuts. Donc, mais par contre, les Nordiques avaient réussi à vraiment gagner un... C'est un peu comme en politique, ils avaient gagné un très, très gros secteur du Québec, qu'on connaît évidemment, le Québec métropolitain par lui-même. Et tout l'Est du Québec. Donc, il s'était quand même très bien installé, puis il avait installé une rivalité qui faisait beaucoup plus mal que les Clippers peuvent faire mal aux Lakers. Ici, les gens, tu te promènes dans la rue, t'en vois, là, je veux dire, les Clippers, parce que justement, il y a autant de monde, ils ont un marché cible, mais ils n'ont pas l'histoire. Faut jamais oublier que les Lakers, Danny, c'est la deuxième équipe la plus titrée de l'histoire de la NBA. Ils ont 16 titres. Il y a seulement les Celtics de Boston qui en ont gagné 17. Donc, ça se compare pas. Tu comprends? Ils ont du travail à faire. Moi, je pense que ce qui fait beaucoup plus mal, c'est le fait qu'ils gagnent plus, qu'ils n'avaient plus une grande star. Parce qu'ils ont toujours eu, tu l'as mentionné tout à l'heure, une star qui s'identifie à eux. Ils n'en ont plus. Tu comprends? Donc, ils se doivent. Donc, le fait que LeBron James s'amène ici va ramener la culture des gagnants, va amener la culture de Hollywood et surtout, ils vont pouvoir compétitionner avec les Rams, sont de retour, ils vont jouer dans le plus grand stade, ils vont partager le Inglewood Stadium, là, qui est juste à côté d'ailleurs, pour les gens qui connaissent un peu Californie, qui est juste à côté du Fabulous Forum de Los Angeles, où les Kings jouaient avant de déménager au Staples Center. Donc, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements. Et juste te dire à quel point que LeBron James, ça fait parler, c'est que pendant que ils savent qu'il va prendre tellement, tellement, tellement de pouvoir quand il va débuter la prochaine, déjà quand il va faire le camp, quand il va revenir, ça va être la grosse histoire parce que les gens ici ou dans les stations de radio, ils parlent avant tout des Lakers, avant les Rams, avant les Dodgers, loin devant les Kings. Donc il y a les Lakers vont attirer beaucoup, j'allais te dire ça. C'est que, juste te dire qu'on dit qu'actuellement les Dodgers assez de transiger pour aller chercher Manny Machado pour eux aussi réussir un gros coup pour un peu pas étouffer la nouvelle de LeBron. Tu peux pas étouffer la nouvelle. Ouais. Mais chacun va essayer de faire un gros coup. Les Kings ont essayé avec Tavares, ça n'a pas fonctionné comme avec le Canadien. Ils sont allés chercher Kovalchuk. Donc, tu vois, c'est des grands marchés. Ils ont beaucoup de monde, mais étant donné que tu peux pas te permettre, il y a tellement de choses à faire et à voir en Californie. Mais les Lakers, ça fait partie de, c'est l'équipe, je veux dire, l'équipe qui est la plus suivie, même si ils viennent de gagner le championnat aussi en Californie, les Warriors, Golden Gate, donc ça reste, je veux dire, l'équipe la plus titrée, et ce qui passionne encore plus les gens, et l'arrivée de LeBron James va justement donner le spark plug qu'ils ont besoin là, pour reprendre un peu du flambeau. OK. Tom, est-ce que au niveau des billets de saison, parce que là, on est actuellement dans le marché actuellement pour les billets de saison, est-ce que les Lakers, ben, je sais pas comment c'était les billets de saison, mais on a dû majorer certainement les prix des billets pour LeBron. Tu sais? Pas tant que ça. Que bon, OK. Non, ça va être majoré, évidemment. Je pense qu'il va y avoir peut-être un 2 ou un 3% au maximum, parce qu'ils peuvent pas jouer avec ça, parce qu'il n'y a pas juste des pour dans le cas de LeBron James. Je disais hier qu'il y a une espèce de grande murale où on souhaitait la venue de LeBron James ici en Californie, à Los Angeles, qui a été complètement obligé de la refaire, parce qu'il y a des gens qui s'offusquent de ça. Évidemment, celui qui gagne pas trop d'argent dans sa vie, qui voit combien on donne à un joueur de basketball, ça fait pas l'affaire de tout le monde. Donc, il fait pas que des heureux. Mais dans le marché sportif, c'est accueilli parce que bon, LeBron James, Hollywood, maintenant, ça va ensemble. Donc, c'est pour ça que finalement, il y a une grosse effervescence, mais pas tant que ça. Moi, je suis pas allé l'année passée, je suis allé voir déjà quelques fois des matchs. Mais j'ai une copine qui était venue de la Suisse, qui avait acheté avec des billets quand même assez bien placés. Elle avait payé 112 $ américains, puis elle était en plein centre, mais elle était très haut. Mais donc, ça veut dire que tu dois avoir des billets qui varient entre 100 et 300 ou 400 $ le billet pour aller voir les Lakers, ce qui est un peu plus cher, parce qu'au baseball, tu as tellement de matchs, c'est moins cher les Dodgers. Ben les Kings, ça se situe à peu près à ça. Moi, quand j'achète des billets, je vais souvent aux Kings. Ouais. En bas des très bons billets, aux Kings, tu payes 140-150 $, tu vas payer plus cher au basketball. OK. Tom, est-ce que Magic Johnson a la pression maintenant d'emmener l'équipe? Parce que là, c'est bien beau, LeBron, mais t'as Golden State, Oklahoma City, t'as Houston également qui est dans le décor également. Penses-tu que Magic, il y a une pression? Est-ce qu'on entend parler à Los Angeles? Est-ce qu'il va y avoir... Il y a eu quelques joueurs, mais c'est mineur, là, quand même. Non. Je peux te dire que pour ébranler Magic Johnson, pour l'instant, là, avec le fumant qu'ils viennent de faire, ça en va en prendre plus que ça. Okay. On n'est pas du tout dans la même conjoncture pour les raisons un petit peu invoquées tout à l'heure. C'est que tellement de monde en Californie pour faire vivre les grandes équipes. T'as pas la pression à Montréal, là, je veux dire, les gens ne parlent que du Canadien, je trouve ça dommage. Ben alors oui. Que t'as l'impact, que t'as les Alouettes. Bon, l'impact se place un peu, les Alouettes vont très mal, ils vont pas très bien depuis un certain temps. T'as perdu les Nordiques, t'as perdu les Expos. Donc tout le monde tire, dès que ça va mal à Montréal, et on le sait, tout le monde tire sur le Canadien. Tandis qu'ici, tu peux tirer ailleurs quand ça va pas bien. Donc quand les saisons sont finies, on passe vite à autre chose. Les Dodgers sont placés après un très mauvais début de saison. Donc, ils font sale comble presque tout le temps. Donc, tu sais, je dis, il y a la population et il y a le show qui fait que par saison, il y a toujours quelque chose qui se passe. OK. Tom, en terminant, tu as écrit sur les médias sociaux, tu as des informations privilégiées concernant 91.9. J'aimerais que tu les communiques un petit peu. Qu'est-ce que tu as entendu à travers les branches? Bon, pour avoir parlé avec beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent là, en privé pour me tenir informé. Donc, je suis allé un petit peu à la quête d'infos. J'avais écrit le 28 juin que c'était confirmé que la station n'allait pas très très bien du tout financièrement. Et l'information que j'avais eue, c'est qu'il y avait la plus grosse tête dirigeante allait tomber. Et c'est fait depuis vendredi. Il y a un courriel qui a circulé vendredi parmi tous ceux qui ont travaillé avec Mario Ciccone disant qu'il ne sera pas de retour comme président directeur général, non seulement parce que c'était un de ses mandats avec RNC Media, parce que n'était pas juste PDG de pas de PDG juste du 91-9 Sport, il était aussi donc il y a beaucoup de rumeurs pour savoir aussi il y a une inquiétude quand même et la meilleure des preuves qu'il y a une inquiétude, c'est quand t'écris ce que j'ai écrit le 28 juin et quand je réécris ce que j'ai écrit ce matin et que personne ne me rappelle pour ou démentir la rumeur ou démentir la nouvelle, c'est pas bon du tout. D'abord, j'écris parce que j'ai des bons informateurs, mais quand même souvent on va essayer de dire ah non, il y en met trop. J'ai eu plein de gens qui ont liké ce que je faisais en privé, il y en a d'autres qui m'ont écrit. Donc ça, moi l'info, puis j'en dirai pas plus, c'est que tout va se décider au 15 août. Je pense que c'est une question de finances avant tout, et c'est une question qui peut peut-être se faire une fusion avec une autre chose, mais ça encore là, c'est pas confirmé. Donc tant que j'ai pas les infos précises, j'irai pas plus loin que déjà quand tu perds le PDG, ça regarde pas bien. OK. Ben Tom, un gros merci. On parle évidemment on va suivre les Lakers de Los Angeles avec attention. OK. Ben écoute, bon début d'été parce qu'on est juste au début. Oui. Pareillement aux gens de votre belle région, mon cher. Ben voilà, Tom Lapointe qui est à Los Angeles pour parler des débuts de LeBron James.